Nerdstyle. Prototype Nerdstyle. Êtes-vous prêts? Let's go. R.A.M. Si t'as un problème tu m'appelles. J'ai une grosse mitraillette pour régler nos querelles. Avec la rue, les MC, les petits stands de budget. Trop de billets à BZ. Trop de bouche à gros. C'est quand j'tire, j'vise le crâne. Pourquoi veux-tu que j'tire à côté? 9-5, c'est ma ligne, tu connais R.E.R.C. J'ai trop les crocs, donc j'arrête pas de mordre. La concurrence rap sous pression avec un chasse à la gorge. J'ai pas de major, pas de label, juste des microbes sous mon aile, 200 chevaux, tout le capot en gros, je me la fais belle. J'aime quand ça quête, ça tire, ça deal. J'aime savoir sur un plan, je prends du bif. Tout en disant que je suis pas fauché, qu'il me reste des trois que qui s'empilent. J'aime quand ça quête, ça tire, ça deal. J'aime savoir sur un plan, je prends du bif. En me disant que je suis pas fauché, qu'il me reste des trois kills qui s'empilent. J'aime quand j'arrive en boîte, même s'ils disent voilà R.A.M.B. Ils sont corsés par les connés, on se fait corser par les billets. Tu pourras me voir en boîte accompagné des mots R.A.D. Les vigiles d'LGF, au cas un mec voudrait nous fumer. Yeah, pas besoin de la tôle pour être un gangster. Les vrais voyous veillent à pas se faire prendre qui dit le contraire. J'aime voir mes gars rouler avec des polos N.S. Surtout quand j'ai peu dans ma paix, je vois plus de 2 euros sur mes chèques. J'aime trop les grandes matesses, les anciens et l'heure des gaines. Quand j'arrive à la chapelle, Asim me dit vos sons s'artègent. Hier, yeah, le 210 m'a donné une habitude. Niquer l'état, l'état, voilà mon attitude. J'aime quand ça quête, ça tire, ça deal. J'aime savoir sur un plan, je vais prendre du bif. Comme disant que je suis pas fauché, qu'il me reste des trois que qui s'empilent. J'aime quand ça quête, ça tire, ça deal. J'aime savoir sur un plan, je vais prendre du bif. Comme disant que je suis pas fauché, qu'il me reste des trois qui s'empilent. C'est la Northside qui te parle. C'est la Northside du Kickstar. C'est la Northside qui te braque. Tout le monde, yeah. Pour une tasse, rien que ça crie. Un coup de gaz, j'suis parti. Un coup de feu, j'suis un rorti. Ça pue la grosse peine et la zermi, yeah. Quand le boss n'est pas là, les MC se mettent des watts. Quand le boss n'est pas là, les MC sortent en boîte. Quand le boss n'est pas là, c'est que je suis en train de baiser leur femme, yeah. J'aime quand j'ordonne et toi t'appliques. J'aime avoir du si tu te dis comment fait-il. J'aime quand tu m'appelles en masqué et t'es pas grillé. Et tu me dis ce soir clair et net, tu vas prendre des billets. J'aime quand ça quête, ça tire, ça deal. J'aime savoir sur un plan, je vais prendre du bif. Tout en disant que je suis pas fauché, qu'il me reste des trois que qui s'empilent. J'aime quand ça quête, ça tire, ça deal. J'aime savoir sur un plan, je vais prendre du bif. Tout en disant que je suis pas fauché, qu'il me reste des trois qui s'empilent. J'aime quand ça quête, ça tire, ça deal. J'aime savoir sur un plan, je vais prendre du bif. Tout en disant que je suis pas fauché, qu'il me reste des trois qui s'empilent. J'aime quand ça quête, ça tire, ça deal. J'aime savoir sur un plan, je vais prendre du bif. En me disant que je suis pas fauché, qu'il me reste des trois kills qui s'empilent.